Appel longue distance, je sais, c'est le silence et l'absence. Tu mets fatal animal résistance, le souvenir qui s'emballe. Toi le matin et moi le soir. Moi sur la lune et toi sur le départ. Il est déjà trop tard. Volubile, versatile, résistance, des souvenirs qui défilent. À distance, je sens que tu danses sur le fil de l'indifférence. Il est tellement trop tard. Toi sur le départ, je plonge dans le brouillard. Il est tellement trop tard. Oh God.